Ésaïe chapitre 28. Malheur à la couronne de fierté des ivrognes d'Éphraïm, la noblesse de la gloire duquel n'est qu'une fleur qui tombe, ceux qui sont sur le sommet de la grasse vallée, sont étourdis de vin. Voici, le Seigneur a en main un fort et puissant homme, ressemblant à une tempête de grêle, à un tourbillon qui brise tout, à une tempête de gros eaux débordées, il jettera tout par terre avec la main. La couronne de fierté et les ivrognes d'Éphraïm seront foulés aux pieds. Et la noblesse de sa gloire, qui est sur le sommet de la grasse vallée, ne sera qu'une fleur qui tombe, ils seront comme les fruits hâtifs avant l'été, lesquels incontinent que quelqu'un a vu, il les dévore dès qu'il les a dans sa main. En ce jour-là l'Éternel des armées, sera pour couronne de noblesse, et pour diadème de gloire aux résidus de son peuple. Et pour esprit de jugement à celui qui sera assis sur le siège de jugement, et pour force à ceux qui dans le combat, feront retourner les ennemis jusqu'à la porte. Mais ceux-ci aussi se sont oubliés dans le vin, et se sont fourvoyés dans la cervoise, le sacrificateur et le prophète, se sont oubliés dans la cervoise, ils ont été engloutis par le vin, ils se sont fourvoyés à cause de la cervoise, ils se sont oubliés dans la vision, ils ont bronché dans le jugement. Car toutes leurs tables ont été couvertes de ce qu'ils ont rendu et de leurs ordures, tellement qu'il n'y a plus de place. À qui enseignerait-on la science, et à qui ferait-on entendre l'enseignement? Ils sont comme ceux qu'on vient de sevrer, et de retirer de la mamelle. Car il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne, ligne après ligne, un peu ici, un peu là. C'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci, avec un bégaiement de lèvres, et une langue étrangère. Il lui avait dit, c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est lassé, et c'est ici le soulagement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ainsi la parole de l'Éternel, leur sera commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne, ligne après ligne, un peu ici, un peu là, afin qu'ils aillent et tombent à la renverse, et qu'ils soient brisés, et afin qu'ils tombent dans le piège, et qu'ils soient pris. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, vous hommes moqueurs, qui dominez sur ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous avez dit, nous avons fait accord avec la mort, et nous avons intelligence avec le sépulcre. Quand le fléau déborde et traversera, il ne viendra point sur nous, car nous avons mis le mensonge pour notre retraite, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je mettrai pour fondement une pierre en Sion, une pierre éprouvée, la pierre de l'angle le plus précieux, pour être un fondement solide, celui qui croira, ne se hâtera point. Et je mettrai le jugement à l'équerre, et la justice au niveau, et la grêle détruira la retraite du mensonge, et les eaux inonderont le lieu où l'on se retirait. Et votre accord avec la mort sera aboli, et votre intelligence avec le sépulcre ne tiendra point. Quand le fléau déborde et traversera, vous en serez foulés. Dès qu'il traversera, il vous emportera, or il traversera tous les matins, de jour et de nuit, et dès qu'on en entendra le bruit, il n'y aura que remuement. Car le lit sera trop court, et on ne pourra pas s'y étendre, et la couverture trop étroite, quand on se voudra envelopper. Parce que l'Éternel se lèvera, comme en la montagne de Peratsim, et il sera ému comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre extraordinaire, et pour faire son travail non accoutumé. Maintenant donc, ne vous moquez plus, de peur que vos liens ne soient renforcés, car j'ai entendu de par le Seigneur, l'Éternel des armées, une consomption qui est même déterminée sur tout le pays. Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix, soyez attentifs, et écoutez mon discours. Celui qui laboure pour semer, labourera-t-il tous les jours, ne cassera-t-il pas, et ne rompra-t-il pas les mottes de sa terre? Quand il en aura égalé le dessus, ne sèmera-t-il pas la laisse, ne répandra-t-il pas le cumin? Ne mettra-t-il pas le froment au meilleur endroit, et l'orge en son lieu assigné, et les potres en son quartier? Parce que son Dieu l'instruit, et l'enseigne touchant ce qu'il faut faire. Car on ne foule pas la vesse avec la herse, et on ne tourne point la roue du chariot sur le cumin, mais on bat la vesse avec la verge, et le cumin avec le bâton. Le blé dont on fait le pain se menuise, car le laboureur ne saurait jamais le fouler entièrement, et quoiqu'il l'écrase avec la roue de son chariot, néanmoins il ne le menuisera pas avec ses chevaux. Ceci aussi procède de l'Éternel des armées, qui est admirable en conseil, et magnifique en moyen.